C'est précisément pour ça que ça me plaît. Je fais ça pour que ça dure, je veux pas que tu te lasses de moi. Car mon amour est pur, même si ma voix l'est pas. Si tu partais, au moins j'aurais essayé de te dire. Les gens tout autour ne comprennent pas vraiment pourquoi je hurle autant mes sentiments. Mais l'important, c'est que tu saches enfin que j'ai jamais encore ressenti ça. Pour aucun humain, ni pour aucun petit chat. T'as dû débarquer d'une autre galaxie, d'une autre planète. C'est clair, c'est net. Est-ce que c'est de l'amour passionné? Est-ce que c'est seulement de l'amitié? Qu'importe du moment que ça dure toujours. Toi et moi, en anglais, en français, du rock, du R&B, même de la variété. Je chante faux, des trucs qui sont vrais. Et c'est précisément pour ça que ça me plaît. Je fais ça pour ça dure, je veux pas que tu te lasses de moi. Car mon amour est pur, même si ma voix l'est pas. Si tu partais, au moins j'aurais essayé de te dire. Et si un jour je deviens muet, à force d'avoir voulu trop chanter, je t'achèterai un perroquet à qui j'aurai appris je t'aime à la folie. Wouh! Peut-être qu'on saura jamais. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est de plus en plus fort.